vibrations du macadam. Je lance des répliques, je m'implique et je m'applique sur la technique dans le but de vous rendre euphorique. Je suis un générateur d'acoustique qui envoie des secousses sismiques, ça devient plus technique que l'arithmétique. Éclaboussé par une inspiration décoiffante, emporté par un courant de poésie envoûtante, je surfe sur une vague musicale rafraîchissante. Je me baigne dans une langue élégante, séduisante, des écumes de hip-hop, d'électro et de slam. Arrose le macadam. Les autorités locales m'appellent l'acrobate vocal, l'athlète verbal. Je fais vibrer le macadam, les messieurs, les madames, les ados, les femmes, les médisants, les fans. Je sers ma plume en or et je plante le décor. J'adapte ma puissance qui parcourt tous tes sens. T'as des doutes sur mes capacités? Alors je vais pas hésiter à les citer. Citer, ok, je t'emmène, tu vas survoler plus d'une cité. J'éclaircis les idées si tu me laisses réciter. J'ai bien fait d'insister car de ton cerveau émergent des idées. Si t'es décidé à résister à l'adversité, laisse-moi exister, l'harmonie pourra subsister. Véritable commire verbale, dans mon chargeur j'ai plus d'une balle. Dans ma bouche j'ai plus d'un slam. J'ai plus d'une corde vocale à mon arc. Je déverse des averses de prouesses lyricales. En attendant que la musique accepte mes fiançailles. Les autorités locales m'appellent l'acrobate vocal, l'athlète verbal. Je fais vibrer le macadam, les messieurs, les madames, les ados, les femmes, les médisants, les fans. Je sors ma plume en or et je plante le décor. J'adapte ma puissance qui parcourt tous tes sens. Tu veux que j'aille mollo? Tu m'as pris pour Quasimodo? Je suis prêt, je suis déjà en kimono. Crie mon nom, je passe sur ta sono, je fais vite, je dois respecter le chrono. Tu m'entends en stéréo ou en mono? Distrayant, diffuse un disque infernal. Dans certains tympans, ça risque de faire mal. Nouvel album dans les bacs, protège-toi de l'impact. Je lance mon nouvel opus, ça explose comme un obus. C'est de la bombe atomique, en résine de pertes anatomiques. Entre les accents, je peux fluctuer. Écoute mes syllabes accentuées que je peux à l'infini dupliquer. Les autorités locales m'appellent l'acrobate vocal, l'athlète verbal. Je fais vibrer le macadam, les messieurs, les madames, les ados, les femmes, les médisants, les fans. Je sers ma plume en or et je plante le décor. J'adapte ma puissance qui parcourt tous tes sens.